Le stationnement est interdit dans cette rue. C'est ce que signale ce panneau. L'interdiction est tempérée par le panonceau qui autorise les stationnements dans la limite de 15 minutes maximum. Le contrôle se fait à l'aide d'un disque que le conducteur doit mettre derrière son pare-brise après l'avoir réglé sur l'heure d'arrivée. La durée de stationnement autorisée est tellement courte que le disque numéro 1 ne peut pas être utilisé dans la mesure où il indique une heure d'arrivée approximative se situant dans une fourchette d'une demi-heure. Le disque numéro 2 fonctionne dans des fourchettes de 10 minutes et convient donc mieux à ce type de stationnement de courte durée. Réponse B et C.